Bonsoir. Bienvenue à cette conférence du 7 septembre 1994. Merci. On peut peut-être avoir des informations qu'on aurait eues juste dans 4 ans. On ne sait pas. Comment votre famille se réincarne chez vous? Est-ce que c'est la famille qui se réincarne chez nous ou c'est nous autres qui se sont réincarnés dans notre famille? Ben, pour ta sœur ou pour ton frère, c'est parce que la famille? Ma sœur et mon frère, ce sont, ne peuvent pas se réincarner chez moi, ils sont pas morts. C'est ce que tu penses. Ils ont l'air vivants. C'est ce que eux pensent. Mais la réincarnation, c'est un phénomène qui est beaucoup plus complexe. Puis si ça serait mieux compris, ça permettrait aux individus de pouvoir plus facilement accepter des mécaniques de leur vie présente, changer certaines choses, ça permettrait à plusieurs personnes aussi de régler chez eux des problématiques qu'ils ont. Ça permettrait aussi à beaucoup de personnes de refuser de vivre des conditions de vie particulières ou de refuser de vivre des problématiques qu'ils n'ont pas à vivre. Alors la réincarnation, c'est pas uniquement une mécanique qui fait en sorte qu'à un moment donné, un être humain meurt, il va dans le ciel, dans le monde de la mort, il médite, il regarde des vidéos. Et puis après ça, il se réincarne dans un corps physique. La réincarnation, c'est beaucoup plus complexe. Comment ça fonctionne? Premièrement, si on regarde, on va voir, de toute façon, on fait un mois sur la réincarnation, alors on peut aborder plusieurs facettes, mais premièrement, il y a une réincarnation qui est dite pluralitaire fusionnelle. Cette réincarnation-là, c'est la réincarnation que la majorité des êtres humains ont vécu à leur naissance, et c'est la réincarnation aussi que les êtres humains vivent tout au long de leur vie. Parce que ça se réincarne chez soi 24 heures sur 24 tout au long de notre vie. Dans cette réincarnation, il y a l'humanité en bloc qui nous attend à certains tournants de notre vie, à certains âges, on pourra en reparler. Il y a les mémoires du passé en fonction de l'âge où on est rendu, qui nous attendons à certains âges aussi pour venir s'incarner chez nous. Il y a aussi tous ceux avec qui l'on vit, qui à un moment donné vont... Par exemple, toi, tu es beaucoup plus âgé que moi. Alors, à un moment donné, tu passes à la, on va dire, 62 ans. Et puis moi, je suis ton frère, je te suis à 52 ans. Ce que tu étais à 52 ans, probablement que je vais leur en réincarner une partie quand moi, je vais atteindre 52 ans. Mais toi, à 62 ans, tu n'es plus le bonhomme de 52 ans. Il est mort, celui-là. Il m'attend. Il attend quelqu'un. Et normalement, les adultes attendent leurs enfants. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, l'enfant rendu à l'adolescence va vivre comme le père, la mère ou des personnes dans la famille ont vécu leur adolescence. C'est évident, comme il y a plusieurs personnes qui peuvent s'incarner en même temps chez l'enfant, il y aura une adolescence similaire, mais quelque peu différente. Rendu à 20 ans, 25 ans, souvent, on agit comme notre mère agissait, comme notre père, on reconnaît nos parents. Eh bien oui, maintenant, notre mère, qui est peut-être rendue à 40 ans, à 50 ans, etc., elle a, moi j'ai 20 ans, et puis ma mère, mon père, à 20 ans, ce qu'il était à 20 ans, lui, se cherche un corps physique pour pouvoir se soutenir, continuer à vivre, et ça m'incarne. Et continuellement comme ça, on crée dans la vie de l'humain des blocs très particuliers d'incarnation qui a fait en sorte, dans l'ésotérisme comme dans la théologie, d'amener des concepts philosophiques dans le genre... De 0 à 3 ans, c'est une phase très particulière. C'est ça qui décide ce que sera l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 0 à 3 ans, les enfants qui s'incarnent dans l'enfant n'ont pas de conscience. Donc, c'est à peu près comme si rien ne s'incarnait. C'est le temps de les éduquer pour les transformer. De 3 à 7 ans, ou de 0 à 7 ans chez certains, c'est la phase de maturation spirituelle. Alors là, l'enfant de 0 à 7 ans va réincarner tous les jeunes de la famille, du passé, donc c'est des millions et des millions d'êtres, finalement, de mémoire, de 0 à 7 ans, et il va pouvoir se former chez lui les prémices d'une âme. On parle souvent de 7 à 14 ans, c'est l'autre étape, et on parlera par la suite de 14 à 21 ans, et on dira à 21 ans, il devient adulte. À un moment donné, nous, on a remis ça à 18 ans. Mais ça créait des blocs particuliers. L'enfant à 21 ans vivait comme une initiation. D'adolescent, 21 ans, il pouvait devenir adulte. Pourquoi? Parce qu'à partir de cet âge-là, socialement, psychologiquement, ancré chez nous, il y avait une réincarnation massive de mémoire d'adulte. Ce qui faisait que l'enfant passait à une autre étape. À l'adolescence, on a des enfants, on a nous-mêmes été adolescents. Il y en a qui ne s'en rappellent pas trop, il y en a qui s'en rappellent encore. Il y en a qui le sont même... Il y en a que ça fait longtemps, il y en a que ça fait pas longtemps. C'est ça? Et à l'adolescence, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'on vit une certaine vie pendant un laps de temps, puis à un moment donné, tout commence à devenir fou, perturbé. On ne sait plus, on ne comprend plus. On renie, on veut, on a peur, on espère, tout est bon chambardé. Et après l'adolescence, qui sommes-nous? Ah ben rien de comme l'adolescence. Des fois, on est comme avant. Des fois, on est rien comme l'adolescence, rien comme avant. Il ne sait pas c'est quoi. La réincarnation, c'est donc une mécanique beaucoup plus complexe que ce qui a été enseigné jusqu'à date dans les livres. Il y a eu des théories, ou en tout cas une théorie en particulier, qui disait qu'on, étant un être mort, on choisissait de s'incarner, de se réincarner dans une famille, dans un lieu, dans un temps, et puis qu'on allait même choisir les étapes qu'on allait revivre. Alors, ceux qui croient à ça dur comme fer se retrouvent même avec des ongles incarnés, des choses comme ça. L'être humain ne choisit pas sa réincarnation, donc l'humain ne choisit pas sa future incarnation, il ne choisit pas l'endroit de son incarnation, il ne choisit pas ce qu'il va vivre sur la planète, il ne choisit pas qui seront ses parents, il ne choisit rien. Premièrement, il n'y a pas de libre-arbitre. Et s'il y aurait un libre-arbitre, il y aurait de gros conflits. Pourquoi? Parce que le père, la mère, avant de s'incarner, choisissent qui ils seront, dans quel corps ils seront. Alors, la femme passera une partie de sa vie à remaquiller ce corps-là. L'homme passera une partie de sa vie à essayer de conserver ses cheveux, de couper ou de conserver la barbe, de tripoter ceci, de faire cela. Ils n'ont pas choisi le bon corps. Ils n'en sont pas satisfaits. Ils vont, disons, décider qu'ils vont se rencontrer. Tu choisis ta femme, tu choisis ton mari et tu choisis les enfants que tu auras. T'as qu'à choisir. Mais ceux qui s'incarnent dans tes enfants n'ont plus le choix de choisir les parents. Tu as déjà choisi les enfants. Alors, déjà là, ça ne va plus. Donc, la théorie ne peut pas tenir. Ben, elle peut tenir si on ne va pas trop loin. Si on pousse un peu, non. Surtout que si on considère notre vie actuellement, la majorité des personnes sont totalement insatisfaites de leur vie et la majorité, si c'était à refaire, ils feraient d'autres choses. Mais si bon. On n'a pas de libre arbitre sur le plan terrestre parce qu'on a un égo, majoritairement, quand on est décédé, on n'a plus. Quand on est décédé, si on n'a plus d'égo, c'est qu'on n'est plus. Puis si on a encore de l'égo, il reste juste ça. Alors, de toute façon, ça ne nous arrange pas plus. C'est peut-être l'endroit où on a le moins de libre arbitre. C'est l'endroit où on a le moins, comme dans le rêve d'ailleurs. Dans le monde de la mort, bon, le processus même de la mort, qu'est-ce que c'est? Le corps physique finit par ne plus être capable de maintenir la vie. Le corps physique cesse de fonctionner. Le corps vital, qui est la vie, qui permettait au corps physique de digérer des aliments et de les associer pour se conserver ou pour croire. Le corps vital, qui est aussi l'enveloppe de l'âme, ce qui permet à l'âme, aux âmes des personnes de ne pas s'entremêler lorsqu'ils sont en contact les uns des autres. Le périsprit, le corps vital, quitte le corps physique. Et le corps physique, le corps vital, c'est ce qui maintient la forme. Le corps vital ayant quitté le corps physique va commencer à pourrir, à se désagréger. Il ne peut plus se rappeler comment il se maintenait. Quand on en est rendu là, on est dans le plan moronciel, qui est un plan de transition entre la vie et la mort. Donc, le corps physique est mort, mais l'être humain n'est pas mort. Est-ce que c'est ça le purgatoire? Non. Par la suite, le corps vital, donc le périsprit, l'enveloppe de l'âme, va flotter. Et si on peut réanimer le corps physique, l'individu va revenir et c'est les personnes qui ont été dans le plan moronciel qui nous parlent d'entités lumineuses, qui nous parlent de guides de lumière, qui nous parlent de plusieurs choses, comme Raymond Moody, un médecin, en a rapporté à un moment donné. Alors, l'individu voit ces choses-là et il rencontre des mémoires qui lui sont proches, des mémoires très lumineuses. Il n'a plus les limitations du corps physique, donc lorsqu'il voit de la lumière, c'est pour lui beaucoup plus puissant. Et il suit ces lumières et là, il atteint le monde de la mort, il atteint le ciel. Atteignant le monde de la mort, il pénètre le monde de la mort, sauf que le périsprit ne peut pas pénétrer le monde de la mort, c'est de l'énergie vitale. Lui, pénétrant le monde de la mort, ça veut dire que l'âme, sans l'enveloppe protectrice, pénètre le monde de la mort. Et dans le monde de la mort va commencer la phase de purge, la phase purgatorielle. Qu'est-ce que c'est? C'est une phase de digestion, c'est-à-dire que tout ce qui entoure l'ego va maintenant se digérer dans le monde de la mort et se souder à tout ce qui est similaire. Alors, à un moment donné, on n'aura plus de mémoire expérientielle, on n'aura plus de mémoire volatile, c'est-à-dire qu'on ne se rappellera plus avoir vécu tel quel, mais il restera l'ego, il restera ce que la psychologie appelle le moi. Mais l'humain est bien autre chose que ce moi-là. Ça, c'est le toi, c'est pas le moi. L'ego, lui, va maintenant continuer sa phase purgatorielle, l'ego va commencer à être grugé. C'est-à-dire que dans l'ego est pluriconstitué, on l'a vu souvent, c'est-à-dire que les égos sont constitués de mémoires de peur, de mémoires de contentement, de mémoires de jalousie, de mémoires de stress, de mémoires de paquet de choses, qui fait que l'humain, quand il se cherche philosophiquement, il arrive toujours à une conclusion, « Je me connais pas, c'est difficile de me connaître. » Il y a un bonhomme qui avait dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. » C'est vrai. C'est aussi compliqué de toute façon. Tu connais toi-même et tu connais l'univers. Surtout que maintenant que je me connais, deux secondes après, je suis changé, il faut que je recommence encore. Bon. sans compter le paquet de processus de réincarnation qui nous entre régulièrement, le mélange avec nos familles, etc., fait que le connaître toi-même devient une illusion assez intéressante. L'ego, ce qu'il va faire, c'est que les parties les plus basses de l'ego vont maintenant commencer à se dissoudre, donc ça va se briser, et l'ego va commencer à rétrécir. C'est la phase purgatorielle avancée. Là, on va dire que l'individu commence à monter dans le ciel, c'est-à-dire qu'il devient plus léger, parce que les parties les plus denses se défont énergétiquement. Mais ce qui arrive, c'est que le processus n'a pas de fin. C'est-à-dire que le haut va rejoindre le haut, puis le bas reste en bas, puis ça segmente comme ça. Oui, hein? Mais toi, tu dis « je suis un soldat ». À un moment donné, tu vas dire « j'ai été dans l'armée », puis à un moment donné, tu vas dire « je suis un être humain ». Mais là, tu ne te rappelles plus que tu étais soldat, ça se gruge lentement. « je suis », puis à un moment donné, tu ne dis plus rien, tu dis plus rien. Là, on peut considérer que l'humain est mort. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'humain mort va rejoindre toutes les personnes qu'il a connues pour l'éternité. C'est-à-dire que tout ce qui le constituait lui se fusionne à tous ceux qui sont morts avant lui. Et tout ça au complet, à un moment donné, ça flotte dans le monde de la mort. Et un jour, des parents vont engendrer un corps physique, un enfant. La génétique de l'enfant a des capacités particulières, des caractéristiques particulières, les caractéristiques des parents. Mais les caractéristiques des parents sont les caractéristiques de toutes les lignées familiales. Donc, c'est une question de génétique. L'enfant qui est maintenant constitué a un corps physique capable de recevoir de l'information, de l'âme. Mais l'âme, c'est une âme universelle, des mémoires. Et le corps de l'enfant va commencer à attirer du monde de la mort par un canal réincarnationnel que souvent certains appellent la corde d'argent au niveau des voyages astraux. Ça attire de l'information et progressivement, on va restructurer une âme neuve dans le corps physique de l'enfant en accord avec ce que le corps physique peut faire. Si le corps de l'enfant a un cerveau de génie, il va attirer des mémoires capables de se servir de ce cerveau-là, donc des mémoires de génie, et etc., etc. Alors, progressivement, on va reconstituer une âme. C'est pourquoi, ésotériquement, on va dire de 0 à 3 ans, c'est le temps d'en profiter, parce que l'âme n'est pas tellement constituée. Jusqu'à 7 ans, on peut toujours, mais ça devient un peu compliqué. À l'adolescence, la problématique majeure, c'est que le corps physique devient un corps d'adulte, donc il est capable de jouissance sexuelle. Il est capable de recevoir de la mémoire réincarnationnelle d'adulte, alors qu'il est habité par des mémoires d'enfant. Donc, il y a un enfant, et dans l'enfant est en train de descendre, de naître de l'adulte. Et ça crée un conflit entre l'enfant et l'adulte, une guerre, qui fait qu'il n'y a plus personne qui se reconnaît là-dedans, et on appelle cela la crise de l'adolescence. Quand l'enfant a muté physiquement, donc lorsqu'il est devenu plus un corps d'adulte qu'un corps d'enfant, lorsqu'il aura reçu suffisamment d'expérience réincarnationnelle du monde adulte, il deviendra un adulte progressivement et il oubliera totalement son enfance. Il se rappellera de l'expérience de l'enfance. Mais il ne sera plus capable de jouer dans le sable, il ne sera plus capable de faire les choses qu'il faisait avant. Il y aura des problèmes. Mais ces mémoires d'enfance, est-ce qu'il les a digérées ou il les a abandonnées? Bon, il y a une partie d'enfant qui va les reprendre? Non, l'adulte actuellement n'a pas l'instruction nécessaire pour digérer ses mémoires. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, on devrait se sevrer émotivement des besoins de dépendance envers autrui. L'enfant, lui, il est énergétiquement en construction, donc il constitue son âme, ce qui fait qu'il a besoin d'être énergisé par les parents du point de vue affectif. Donc, il a besoin d'amour affectif. Rendu à l'adolescence, normalement, l'enfant devrait se sevrer. L'enfant va vivre une forme de sevrage où il va rejeter souvent le passé. Parce que les adultes qui se réincarnent chez lui ne reconnaissent pas ces parents-là. Il y a le bonhomme, la bonne femme, on ne les reconnaît pas. Bon, il y a des exceptions où les familles ont été suffisamment unies dans le passé, ou bien il y a eu une cristallisation de zéro à l'âge de 7 ans ou à la préadolescence dans la famille où ça allait suffisamment bien, pour que l'enfant puisse résister suffisamment aux mémoires d'adultes qui se réincarnent et l'enfant puisse les digérer. Alors là, l'enfant restera l'enfant, il prendra progressivement l'expérience de l'adulte, mais ne reniera pas ses parents ou ne sera pas violent avec eux parce qu'il digère ce qui vient chez lui. Alors, il va à un moment donné dire « Ouais, le bonhomme, là, c'est pas le bonhomme, c'est mon père. » Bon, là, il va donc digérer. Mais souvent, on aura une partie de rejet. Ce qui va arriver, c'est que quand il y aura une espèce de synthèse qui sera faite entre l'antithèse qui se réincarne, l'adulte, et la thèse, disons, l'enfant, l'enfant pourra se réassagir en face de ses parents. Pourquoi? Parce que pendant l'adolescence, réexpérimentant ses parents, les mémoires d'adultes qui s'incarnent pour posséder l'enfant vont expérimenter les parents, ils vont finir par s'habituer aux parents. Et puis si les parents se réincarnent en même temps dans l'enfant, bien, le parent doit se reconnaître lui-même, c'est-à-dire la partie de mémoire. Oui, mais normalement l'astral, c'est-à-dire la mécanique réincarnationnelle va faire en sorte d'empêcher les parents de s'incarner pendant l'adolescence en faisant en sorte que les parents et les enfants puissent à peu près plus communiquer entre eux. Il y a toujours des exceptions, c'est évident. Moi, j'ai toujours communiqué avec mes enfants, même pendant leur adolescence, et nécessairement, donc, je continue à m'incarner chez eux. Et eux continuaient à s'incarner chez moi. Donc, on s'entendait super bien. Bon, on était extrêmement complices, on était énergiopathes, tout était correct. Il y a beaucoup de parents qui vivent ça aussi, mais il y a beaucoup plus de parents qui vivent l'inverse. Les parents qui vivent l'inverse, qui ne se réincarnent pas, au fur et à mesure de l'adolescence, leur vécu à eux, de cette période-là, ça va où? Bon, ça, soit que ça reste en attente, ça va dans l'astral, dans le monde de la mort, et c'est les enfants de leurs enfants qui vont le récupérer. Alors souvent, l'enfant ne ressemble pas tellement à ses parents, mais il ressemble à ses grands-parents. Alors, il peut y avoir des attentes comme ça, donc des réincarnations qui sont différées. Ça, c'est pour expliquer juste une petite mécanique. On va revenir avec les parents, comment ça s'incarne. Il y a une autre forme de réincarnation qui est une réincarnation... Bon, premièrement, la réincarnation fusionnelle pluralitaire, elle explique le fait qu'on ne se rappelle jamais qui on a été dans le passé, parce que finalement, on a été tellement de choses qu'on ne sait plus. Quelqu'un qui fait des régressions dans les vies antérieures, ce qu'il fait, ou en rebirth, ou en hypnose, ou ces choses comme ça, c'est qu'à un moment donné, il prend un des filons de ce qu'il constitue et il va l'explorer. Mais en allant l'explorer, il ne goûte pas nécessairement ce que lui, il a été. Mais maintenant qu'il l'explore, il va réincarner ça. Donc, en revenant, il peut dire, j'ai été ça. Maintenant, tu incarnes cela. Est-ce que tu es allé plus ouvrir... Plus un paquet d'autres choses. Tu es allé ouvrir un canal en faisant ça? Tu as remonté un fil, un cheveu, pour aller ouvrir une tête au complet. Et si tu es allé par l'hypnose ou par rebirth... Tu as beaucoup plus de canal encore. Tu es beaucoup plus relié à un paquet de cochonneries réincarnationnelles que moi. Ouais, il y a beaucoup plus de cheveux à remonter, puis il y a pas qu'à tête à ouvrir au bout, c'est moi. Ça a plus d'emprise. J'en règle, moi, là. Quand tu retournes dans une vie comme ça, soit en rebirth ou en hypnose ou autrement, puis que t'aimes pas ce que t'as vu ou que t'aimes pas ce que t'as été, quand tu reviens, comme tu dis, là, tu viens d'aller ouvrir ou tu viens d'aller... Eh bien, tu fais ramasser un peu parce que tu es allé faire. Peux-tu l'arrêter? Peux-tu l'empêcher de se faire? Oui, on va surtout revenir sur comment contrôler la réincarnation, comment faire ce que tu me demandes là dans les deux ou trois prochaines conférences, parce que si on explique immédiatement des mécaniques pour faire une cessation, pour bloquer, et qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour comprendre avant, de toute façon, où on travaille, qu'est-ce qu'on fait, ça va créer un problème. C'est que la personne qui apprend que le sucre, c'est mauvais pour la santé, elle entend juste ça, elle n'en mange plus. On a quand même besoin, le cerveau se nourrit uniquement de dextrose, alors si on n'a plus de sucre du tout, on aura des problèmes. Elle ne mange plus de pommes, elle ne mange plus de bananes, elle ne mange plus de sucre. Il fallait qu'elle écoute le reste. Alors, on va donc reparler plutôt de réincarnation au niveau des familles, des parents. Puis après ça, on va aller, à un moment donné, jusqu'à comment contrôler le système réincarnationnel. L'autre façon de se réincarner, c'est individuel, unitaire. Ça, c'est lorsqu'un individu est suffisamment centré dans son intelligence, suffisamment autonome par rapport à lui. Ça veut dire un individu qui, dans sa vie, n'est plus appelé à chialer lorsqu'il pleut. Lorsqu'il fait froid, il s'habille. Lorsqu'il pleut, il se met un imperméable ou un parapluie. Il n'est plus appelé à chigner régulièrement, c'est-à-dire que l'extérieur n'est pas son maître. Comment vous allez vivre votre psychologie aujourd'hui? Comment allez-vous être heureux aujourd'hui? Oh, on ne sait pas encore. Si je me fais couper sa route en m'en allant, moi, je suis allé, donc je ne sais pas si je suis heureux ou pas. Ça dépend de tout. Et ça crée un problème. Mais écoute, j'ai une crevaison. Moi, je suis allé quand j'ai une crevaison. Fait que je ne sais pas si je vais avoir une belle journée. L'humain normal est totalement manipulé par un paquet de phénomènes extérieurs, alors que lorsqu'un être humain devient soit initiable, soit initié, les phénomènes extérieurs ne nuisent plus. Alors, à un moment donné, on regarde simplement au niveau des manipulations astrales, c'est un coup que je fais souvent, j'aime bien. Bon, disons qu'on renverse un peu d'eau comme ça. Disons. C'est ça, disons. Un peu. Je l'ai quand même gardé. Ouais. Je suis poli. Bon. Il y a beaucoup de personnes qui, immédiatement, quand on renverse de l'eau sur une table, les égos, il y a quelque chose qui se passe. Il y a donc, encore une fois, une manipulation par l'extérieur. Et ça, c'est régulier. On lit les journaux pour être manipulé extérieurement. Certains vont dire, non, moi, c'est pour m'informer. Oui, mais il y en a qui c'est pour s'informer, pour avoir peur. Il y en a qui vont voir des films d'horreur pour s'informer. Puis ils ne dorment plus des nuits durant après. Bon, c'est pour s'informer. Ils sont très informés. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a donc, à un moment donné, dans l'évolution, une possibilité de parvenir, lorsque l'on meurt, à ne pas gagner le monde de la mort, donc à ne pas mourir. C'est ce qui peut s'appeler l'immortalité, c'est-à-dire que le corps physique peut à un moment donné s'en aller. Mais nous, pas notre ego, nous, dans l'intelligence, nous allons dans le plan moronciel et nous n'allons pas dans le monde de la mort parce qu'au courant de notre vie, on a vécu ce que j'appelle une anégoïsation, c'est-à-dire qu'on a vécu un processus que les religions appellent l'humilité. Mais l'anégoïsation, c'est un processus qui fait qu'on a de moins en moins d'ego. L'humilité, ça devrait être quelque chose comme ça, mais l'humilité devient à un moment donné une technique qui fait que notre ego devient humble. Et l'humilité enseignée par l'humain jusqu'à date engendre la médiocratie, le médiocrisme. Alors, à un moment donné, on ne sait plus si on est humble ou médiocre. Alors, moi, j'ai le cœur grand comme ma main, tu sais. Es-tu humble ou ben non médiocre? Tu n'es pas capable de dire non. C'est pour ça que tu as un grand cœur. Puis regarde les vautours autour de toi. Tout le monde en profite. Alors, l'individu, à un moment donné, dans son schéma d'évolution, finit par s'en égoïser. Donc, il y a une fonte de l'ego. Et c'est dans l'ego, d'ailleurs, qu'attirent les mécaniques réincarnationnelles. En transformant son ego, il crée un double éthérique. C'est un double moronciel dans le plan éthérique. À un moment donné, on pourra revenir sur cette mécanique-là. C'est des choses qu'on touche surtout en séminaire. Et l'individu qui voit son corps physique mourir dans le plan moronciel ne rejoint pas le monde de la mort, rejoint son double éthérique. Et à un moment donné, il s'incarnera dans un corps physique qui, là, sera, selon lui, correct pour lui. En s'incarnant dedans, il va nécessairement recevoir un paquet de réincarnations pluralitaires lui aussi, mais il va toutes les digérer, c'est-à-dire qu'il va faire comme quand on mange une pomme. Quand vous mangez une pomme, la pomme, elle n'apparaît pas sous votre bras. On digère la pomme, on prend les énergies de la pomme, puis on en fait quelque chose qui est plus fonctionnel pour nous. Si on est trop affaibli vitalement, bien là, si on mange des virus, c'est le virus qui va maintenant transformer notre corps physique, on aura une maladie. Si on est suffisamment en santé, donc la fatigue est souvent la clé même d'un paquet de maladies, si on est suffisamment en santé vitale, c'est notre corps vital qui va transformer l'énergie vitale du virus et nécessairement on va le tuer. Dans ce cas-là, dans un individu qui serait anégoïque, qui décède, quand tu dis on va dans le monde de la mort, c'est quoi qui va dans le monde de la mort? C'est pas l'ego, il n'y en a pas? Non. C'est la conscience. Ça serait très long à t'expliquer immédiatement si on veut revenir sur le principe de la réincarnation. Mais brièvement, il y a chez vous, vous pouvez facilement le reconnaître, il y a toujours quelque chose chez vous qui sait ce qui est bon, hein, ce qui devrait être bon pour votre santé, pour votre vie, ce qui est écologique, ce qui est esthétique, ce que vous devriez faire. Puis il y a toujours quelque chose qui fait l'inverse. Ce qui fait l'inverse, c'est l'ego. C'est ce qui gagne le monde de la mort, puis c'est ce que l'humain vénère. C'est moi, ça. Qui es-tu? Moi, je suis médecin. Moi, je suis vidangeur. Moi, je suis policier. Moi, je suis... Ça, c'est mon ego. C'est ma mémoire. Parce que l'individu se reconnaît comme étant ce qu'il a été. Oui, mais en tant qu'être humain, es-tu quelque chose? Si je laisse tomber mes diplômes, si je laisse tomber mon passé, si je laisse tomber mon argent, si je laisse tomber mes parents qui ont des titres lors de machin chouette, etc., peut-être plus grand-chose. Mais c'est ça. Ça, c'est l'humain. Alors, l'humain, sans ses vêtements, sans son argent, sans ses titres, sans sa position sociale, sans rien de tout ça au complet, ça, c'est l'humain. Bon. Alors, mais plus souvent qu'autrement, on vénère la mémoire de notre présence réelle. Et c'est ça qui, finalement, survit à l'homme, à la femme ou à l'enfant. Quand l'être humain se réincarne, en réalité, c'est que votre conscience a cheminé d'un corps à un autre, donc chez nos enfants, et c'est la mémoire de notre vie qui revient. J'expliquais dernièrement que les Mohawks, pourquoi ils sont, à un moment donné, si violents, c'est parce qu'ils réincarnent et on arrive à la fin d'un cycle au niveau des vies. On approche de l'an 2000. Les chiffres n'ont rien à voir, mais il y a beaucoup de personnalités du passé qui ont annoncé que vers un certain moment donné, il y aurait des signes des temps. On se foutait bien des dates, mais au niveau des dates, de la datation, on savait que c'était entre 1900 et l'an 2013. Et on parlait surtout de 1990. D'ailleurs, on a fait une conférence au début de l'année comme quoi c'est déterminant, qu'il y aurait des changements majeurs. On parle de 1997 en termes de guerre nucléaire globale qui va vers la fin. 99, ça s'estompe. 2010, 2012, on recommence à rebâtir. 2023, le millénium est commencé pour 13 800 ans. On prévoyait qu'à un moment donné, c'était un djihad. Depuis des années, je dis que ce sera une guerre sainte. Un djihad, c'est le terme islamique de guerre sainte. Je disais souvent djihad. Et c'était prévu aussi que c'était quelque chose qui viendrait d'une mécanique comme Bagdad. Et quand les forces américaines, donc les seigneurs des Terres-Neuves, selon les anciens, se mêleraient du problème, on a vu qu'on approche de la fin d'un cycle, c'est évident, et j'ai expliqué souvent que traditionnellement, on entend parler de 144 853 élus, surtout 144 000 élus, disons. Et on se dit, bon, on parle de Dieu, on parle, etc. La grosse problématique, c'est que sur 5 milliards d'humains, 144 000 personnes, franchement, Dieu a manqué son coup dans la création, parce que s'il nous a créés parfaits comme lui, on voit bien des parties de chez lui qui se droguent, qui boivent, parce que finalement, on n'a pas pu décider qu'on était croche si on était construit de façon à décider qu'on était droit. En plus, tous ceux qui ont vécu avant nous, ça fait qu'on n'est plus 5 milliards, on est rendu des millions de milliards, 144 000 élus. Par contre, moi, je sais que tout le passé s'incarne dans le présent. Et dans les 144 000 élus, ça, c'est dans encore quelques centaines d'années, il y aura réuni toute l'humanité, même toutes les humanités. Quand on parle de réincarnation, c'est une mécanique qui est très, très, très importante. La religion, à un moment donné, parle de résurrection. La religion catholique, entre autres. Elle a enseigné la réincarnation jusqu'au Concile Vatican II, jusqu'à ce que Jean 23, un grand prophète, qui a aussi fait des prophéties apocalyptiques et apothéosiques plus tard, Jean 23 décide que les prêtres n'enseignent plus la réincarnation, ça nuit. Les individus se disent, bon, ben, je vais me réincarner plus tard, fait que on boit, on se drogue, on niaise, puis plus tard, je verrai. Et ça a créé une grande décadence en Orient, en Inde, en Chine, au Japon, dans ces places-là où, à un moment donné, l'individu, justement, vivait toujours en fonction de remettre à plus tard. En imposant aux chrétiens l'idée qu'il y aura une résurrection, vous avez une vie pour réussir. Vous manquez votre coup, vous êtes fait. Mais là, l'humain qui se disait rendu à 45 ans, tout ce que j'ai fait en arrière, je suis capote. Alors l'Église dit, écoute, même deux secondes avant de mourir, si tu te confesses et tu te repentis, tu seras sauvé. Mais ça a créé un autre problème, c'est qu'on en revenait avec la même mécanique, la réincarnation au niveau de la problématique. Faites les fous et les folles toute votre vie, puis avant de mourir, repentez-vous. La réincarnation t'a toujours enseigné, la résurrection, c'est une autre mécanique qui, elle, parle uniquement d'après l'Apocalypse. La résurrection ne peut pas être réelle à cause du nombre, comme tu dis. Ben. Non, mais c'est ce qui va ressusciter, c'est des corps parfaits. C'est, en tout cas, on pourrait m'en donner revenir sur la résurrection, mais c'est une mécanique qui apparaît après la fin des processus de réincarnation et qui n'existe qu'après une mécanique apocalyptique, quand il n'y a plus de monde de la mort. Comme Jean de Patmos le dit à un moment donné, les individus qui voudront mourir ne trouveront plus la mort. On aura réincarné tout ce qui existe là-dedans. Un individu qui meurt se réincarne immédiatement dans un autre, donc il ne peut pas mourir. Là, mathématiquement, le nombre de corps évolue. Là. Comme au Québec actuellement, on est en décroissance. Moi, mon père est né d'une famille de 10 enfants. Moi, je suis dans 5. Mes enfants, j'en ai 3. Fait que est-ce qu'on se réincarne comme ça? Mais dans ta famille, toi, vous êtes en croissance. Vous n'êtes pas en décroissance. Comment ça? Parce que ton père est né d'une famille de 10. Les 10 ont eu des enfants. Donc, ces 10-là ont eu des enfants. 3, d'accord, mais on est rendu à 30, plutôt que 10. Toi, tu n'as juste 3. Mais si t'es 3, non, en ont chacun 2. Déjà, tu as encore d'augmenter l'éventail. C'est vrai. Bon, mais on va revenir. Troisième façon de s'incarner. C'est une façon qui peut être dangereuse puis qui est extraordinairement bénéfique. Ça dépend avec qui vous vous tenez. C'est par imprégnation. L'imprégnation est une mécanique extraordinairement puissante d'éducation, de réincarnation, de formation. Elle est très méconnue et c'est ce qui va faire en sorte que bien souvent on se fait ramasser. Je connais une personne qui, à un moment donné, a accueilli un ami. Bon, c'est ses deux garçons, il accueille un de ses amis. Son ami... Il vient de perdre son emploi, il est un peu déprimé, etc. Il vient dans sa maison. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il jase un peu avec lui, puis à un moment donné, il est juste un massothérapeute, fait qu'il dit, ben, couche-toi là, puis on va te faire un massage, on va te retaper. Il fait un massage, il l'organise comme il faut. Puis là, tout va bien, ils sont heureux tous les deux. Le bonhomme s'en va. Puis pendant la semaine qui suit, celui qui a fait le massage, celui qui a reçu l'autre, il fait une déprime totale, et vraiment, il se reconnaît peu. Il a absorbé tout ce que l'autre avait rejeté, dans un consentement mutuel, mais inconscient. Puis celui qui est reparti, il a pris ce qu'il y avait de bon dans l'autre. Lui, il est bien gros dur. Puis celui qui a aidé, il est fait. Ça, c'est de la réincarnation aussi? C'est de la réincarnation par imprégnation. Donc, il y a un transfert de conscience astrale d'un corps à un autre. C'est pourquoi on a fait des conférences, à un moment donné, sur la mécanique énergétique au niveau des communications en tant que couple, par exemple, ou parent-enfant, enfant-parent, etc., où je disais bien qu'on doit être, pour faire des communications, certaines formes de communication, les deux individus doivent être au minimum au même niveau. Parce que en psychologie, on va dire on s'influence. Mais l'influence, c'est une chose, mais l'influence, en hypnose, on influence. Et si on fait peur à quelqu'un, il y aura une influence aussi. On peut même influencer quelqu'un jusqu'à ce qu'il devienne un drogué ou qu'il devienne une personne qui ne se drogue plus ou qu'il devienne une personne raciste. Bon, c'est de l'influence. Mais quand le racisme est rendu chez vous, vous êtes possédé par le racisme. C'est de l'influence au départ. L'influence de l'imprégnation. Et c'est une grande, grande façon. Quand, par exemple, on a des adultes qui se disent, « Ouais, mais moi, si avoir des enfants, c'est... On a des enfants, on se réincarne à l'intérieur de nos enfants. C'est pourquoi on tient tant à préserver leur intégrité, parce que c'est nous, plus jeunes. On dit, « Moi, j'ai pas d'enfants. Alors, je vais faire comment pour me réincarner? » Il y en a qui n'ont pas d'enfants, qui côtoient des enfants régulièrement, ils s'incarnent dedans. Ils côtoient d'autres adultes, ils s'incarnent dedans. Ils côtoient des parents qui côtoient des enfants, ils s'incarnent dedans. L'humain s'incarne dans l'humain par imprégnation. C'est la troisième façon de s'incarner. Est-ce que c'est ce qui expliquerait que deux personnes qui ont une génétique semblable, mais qui sont élevées dans deux milieux, deux rangs sociaux différents, donneraient des résultats différents? C'est ce qu'on appelle l'influence de l'environnement, de l'imprégnation. Ben, de toute façon, l'environnement influence à 45% ce que sera un individu. Et puis la génétique réincarnationnelle influence à 55% ce que sera l'individu. Donc, de ce fait, c'est évident qu'un individu qui a, par exemple, deux individus qui sont deux jumeaux identiques, prenons un exemple, si on les sépare complètement, ils auront tous les deux les mêmes tendances à faire les mêmes choses. Sauf qu'à la fin, dans 15 ou 20 ans, on reconnaîtra deux individus différents. Mais ce qu'on doit savoir, il y a eu des expériences qui ont été faites là-dessus pour prouver que la génétique n'avait rien à voir sur l'humain. Dernièrement, on commence à se rencontrer qu'effectivement, il y a des erreurs dans ce qui avait été fait avant, au niveau de la conscientisation des résultats. On est deux jumeaux identiques, il vit en campagne, je vis en ville, je deviens un érudit, je deviens un avocat, il devient fermier. C'est la preuve que la génétique n'avait rien à voir. Mettez-moi en campagne, mettez-le en ville, puis on recommence dans la jeunesse. Il va faire la même affaire que moi, il va faire la même affaire que lui. Pourquoi? Parce que nous avions la même base, donc nous allons interpréter les mêmes événements de la même façon. Mais si on a deux événements différents, on n'arrivera pas au même résultat. C'est évident. Si j'additionne toujours, par exemple, le double du dernier chiffre qu'on me demande d'additionner à mon résultat, 3 et 4 vont donner nécessairement, 3 et 4, ça donne 7 plus 8. Mais lui est en campagne, lui c'est 2 plus 1. Bien, 2 plus 1, il va faire la même chose que moi, mais il n'y aura pas le même résultat. Il va faire 2 plus 1 plus 2. Il aura additionné le double du dernier chiffre. La base, c'est important, et par la suite, le milieu, nécessairement, va améliorer ou altérer les choses, et l'imprégnation de tout notre entourage va venir, effectivement. On prend un exemple. Quand je vous parle d'égrégore, on prend une personne, et j'ai un ami qui est policier. Je me tiens que n'importe qui. Tu fais des camps, je comprends. Oui, c'est bon. Je lui dis souvent, c'est un bonhomme extraordinaire. En dehors du fait que ce soit policier. Ouais. Quand il met son uniforme, il mute. Là, il tombe dans l'égrégore des policiers. Alors là, il peut devenir plus bête, plus sauvage. Il peut faire des choses, à un moment donné, qui sont typiques de certains policiers. Puis évidemment, on regarde, les jeunes policiers ont certains avantages. Il y a des exceptions, évidemment, chez les anciens. Mais on avait une façon d'être policier, on avait une autre façon d'être policier, on avait une autre façon d'être policier. Puis là, on a tout des visions neuves d'être policier, c'est évident. Mais tu rentres dans un égrégore particulier qui peuvent te faire faire des conneries absolument totales. Puis par la suite, quand tu en sors, ben là, tu as deux vies. Mais celui qui se fait... C'est la même chose pour toutes les professions. Toutes les professions, que ce soit médecin, que ce soit n'importe quoi. Sauf que celui qui se fait digérer par l'égrégore de son métier, quand il arrive chez lui, il est encore policier. Il promène avec une arme, il va n'importe à Noël, c'est encore armé ou quoi. Tu sais, il voit quelqu'un dans la rue, il faut qu'il donne une contravention, qu'il l'arrête quand même. Bon. Et policier à vie. Surtout là, au cas, ils mettent des armes. Non, ben quoi, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Est-ce que tu peux faire l'inverse? On peut digérer, absolument. Puis, bon, moi, j'ai travaillé en uniforme pendant un grand bout de temps. Et ce qui arrivait, c'est que les personnes à mon contact devenaient tout à fait autre chose. J'en ai connu certains que c'était long. J'étais ambulancier, je travaillais comme technicien médical d'urgence pour urgence santé pendant plusieurs années. Et il y a des personnes avec qui je travaillais, il y en a qui c'était très long, vraiment très long. Et progressivement, veux pas, après un laps de temps, disons un an et demi pour certains, c'était plus reconnaissable. Il y avait le goût de travailler pour les citoyens, il y avait le goût d'étudier en médecine. On avait des livres, moi je lisais, j'apprenais des choses, tant qu'à être là, autant le faire comme il faut. Il y en a plusieurs comme ça qui avaient le goût. Alors que, si à un moment donné, on changeait d'équipe, ils revenaient progressivement à un niveau plus haut peut-être, mais beaucoup plus bas de quand on était ensemble. Parce que là, c'est une imprégnation qui n'était pas digérée. Mais dans la coloration, dans l'ambiance, il y avait nécessairement des intérêts. Parce que je n'ai connu un, c'était absolument phénoménal. C'était un peu avant qu'Urgence Santé s'implante. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, donc n'ayez pas peur. Mais moi, j'étais le conducteur et j'avais tout ce qu'il fallait au niveau du médical. Sauf que lui, c'était le préposé. C'est lui qui doit s'occuper des patients. Alors, on va dans une maison, bon, femme malade, on rentre dans la maison au deuxième étage, et puis, fallait toujours que je dise, écoute, amène ta trousse. Hey, ça peut être pratique, oui. Amène au moins quelques affaires, t'sais, montre au moins que, bon. Et lui, il arrivait en haut, et puis la femme est couchée dans le passage, on voit que ses jambes qui sortent d'une pièce. Il passe par-dessus la dame, il va voir son mari, puis il dit, avez-vous sa carte d'assurance maladie? Tu sais, ça, c'est le préposé. Le chauffeur devrait faire ça. S'il est imbécile, s'il ne veut pas aller aider l'autre. Là, il fallait que je le ramène. J'ai dit, écoute, que peut-être attends un peu, c'est la carte d'assurance maladie. À un moment donné, c'est un arrêt cardio-respiratoire. Alors, il est dans la maison, et puis moi, ben, il montait avec la trousse. Là, c'est pas pire, là, il jouait à chips, mais en ambulance. Alors, il monte avec la trousse en courant, il rentre. Moi, je monte avec. Je suis par en arrière, je me rapporte comme qu'on est rendu. Bon, le temps que je fasse ça. À peine rendu en haut, il redescend en courant. Je demande, qu'est-ce qu'il y a? Il me répond, bon, je descends en bas. je rentre dans la maison, puis là, je me rends compte que la personne est en arrêt cardio-respiratoire. C'est un code. Mais en arrêt cardio-respiratoire, tu ne te pousses pas de la maison. Fait, tu ventiles ou tu fais un massage, mais tu restes là. Faut pas la peine de faire une ambulance si les gars commencent à se promener après ça de même. Là, il remonte avec l'oxygène. Mais là, une personne qui respire pas, pas besoin d'avoir de l'oxygène, tu sais. C'est mettre ça sur le nez, puis elle respire pas, ça vaut pas la peine. Ça fonctionnera pas fort. Mais le pire, c'est juste la bonbonne qu'il y a. Il a pas trouvé le manomètre ni le masque. C'est un gros suppositoire. Tu peux la regonfler à bloc. Mais après un an et demi, ben là, c'était pas pire. Il arrivait à amener le masque. Et l'oxygène, étonnant. L'imprégnation fait ça. Souvent, ce qui va arriver, c'est quand on côtoie des gens qu'on trouve... on essaie de les instruire. Là, on crée des guerres d'égo. On dit souvent donner l'exemple. Donner l'exemple, c'est bien plus puissant au niveau réincarnationnel que d'instruire. Parce que l'instruction passe par les oreilles, par l'intellect et directement par l'ego qui vérifie. Non, je prends pas ça. Au bout, tu fermes ta boîte. Disons qu'il y aurait un maître, un génie dans la salle ici. Puis personne ne le sait. Puis là, je dirais, regarde, c'est une telle ou un tel. Ceux qui le connaissent, ils disent, oui, non, c'est impossible, ils le connaissent. Quand on se connaît, on est tout petit clin. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on se parle entre nous, on s'obstine tout le temps. Souvent. Et si on ne fait rien, si on ne se contente, c'est ce qu'on devrait faire, que d'être ce que nous sommes en fonction de ce que l'on veut, ça veut dire qu'on ne se laisse pas influencer, donc imprégner par des réincarnations qu'on refuse. On va revenir de toute façon dans les prochaines semaines. Et progressivement, les individus autour de nous commencent à changer, sans qu'on n'a rien à dire. Vous décidez, par exemple, que vous voulez manger mieux, et toute la famille, vous n'êtes pas pour le changer le menu du jour au lendemain. Commencez à manger mieux. Un petit peu. Un petit peu plus, un petit peu plus. On ne fait pas de morale, on n'en parle même pas. Et progressivement, l'imprégnation va tellement faire son effet qu'ils vont commencer à se sentir agressés, mais pas trop puissamment. Ils vont commencer à dire « Oui, mais c'est quoi cette affaire-là? » Puis vous, ben, vous continuez simplement comme ça, puis vous allez voir que progressivement, l'humain est prêt à s'améliorer. Mais quand on veut le faire d'une façon qui est d'ego à ego, ça ne fonctionne jamais. Donc, on a réincarnation pluralitaire fusionnelle qui se fait à notre naissance, qui se fait 24 heures sur 24 tout au long de notre vie. On a la réincarnation individuelle, sur laquelle on pourra revenir, et il y a la réincarnation par imprégnation. Quand on dit « votre famille s'incarne-t-elle chez vous? » Oui, mais vos amis, vos collègues de travail, votre société, puis votre planète. Mais là, on est très, très, très dilué. Mais c'est ce qui va... Dans les deux façons, sauf celle du milieu, là, dans la réincarnation au décès, dans l'imprégnation aussi. Oui. Le gros problème... Est-ce que c'est aussi vrai quand t'es... C'est qui m'interrompt, mais... C'est parce que je savais que t'avais soif. Est-ce que c'est aussi vrai dans des familles est-ce qu'il faut vivre ensemble physiquement ou c'est aussi vrai lorsque la famille est dissoute, c'est-à-dire il y en a un qui est marié, qui vient à Chicoutimi, l'autre à Québec, l'autre à Montréal? Est-ce que ça continue, même si... Bon, on prend un exemple. Vos parents... À un moment donné, souffert d'angine de poitrine et puis la majorité sont morts d'un infarctus du myocarde. Crise de cœur. Dans la soixantaine. Alors, le médecin, si vous rentrez à l'hôpital à un moment donné, disons, vous avez une douleur rétrosternale, typique, disons, d'une angine de poitrine ou d'un infarctus, mais on ne sait pas trop, mais ça peut être un problème gastrique, ça peut être bon, d'autres choses. Mais là, on vérifie vos antécédents. Dans votre famille, y a-t-il eu des... Mais là, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est drôle parce qu'à 16 ans, vous n'aurez pas ces problèmes-là. Mais génétiquement, vous êtes noté. À 40 ans, vous allez peut-être commencer. Même âge que vos parents ont commencé. À 45 ans, 50 ans, c'est pas l'âge exact parce que c'est des lignées réincarnationnelles, donc dépendamment du milieu aussi. Mais si on est génétiquement appelé à vivre une angine de poitrine par excès de stress, parce que nos parents ont vécu ça régulièrement, c'est drôle, mais à 20 ans, on ne sera pas atteint. À 30 ans, bon, dans des âges moyens du système familial, on commence. Mais ça prouve déjà une chose, c'est qu'on est codé. Mais pourquoi, alors, si je suis, par exemple, porteur d'un gène qui va m'amener à être cardiaque à un moment donné, ne le suis-je pas là? Il y a une chronologie. Il y a toujours des exceptions parce qu'il y a des mutations dans la biologie. Mais il y a une chronologie. On s'attend à ce que vos parents ont à peu près tous, à un moment donné, souffert d'ostéoporose, des os qui s'effritent à rien, à un certain âge, après la ménopause, par exemple, chez les femmes, alors on s'attend à ce que mademoiselle de 17 ans, quand vous aurez votre ménopause, pourquoi pas avant? C'est daté. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nos parents nous attendent effectivement, comme vous allez attendre vos enfants. Et là, c'est qu'il faut faire attention. Quand on on se fait dire, comme je veux le dire, que nos parents nous attendent, c'est pas volontaire. Puis quand je dis « vous allez aussi attendre vos enfants de pied ferme à certains tournants de leur vie », c'est pas volontaire. Mais il faut comprendre juste la mécanique. Et puis dans les semaines à venir, on verra comment on peut améliorer ce qui va s'incarner. Ben, autant donner ce qu'il y a de mieux chez nous, c'est nous autres. Je sais pas à me réincarner à chaque fois avec toutes mes cochonneries. Bon. Et comment faire aussi pour filtrer à travers ce qui vient chez soi. Mais ça, on reviendra. Mais là, ce qui arrive, et c'est péniblement dommage. Un peu. Pourquoi? Parce que tant que c'est inconscient, c'est problématique. C'est comme la mère nourrit son fœtus avec son sang. Tant qu'elle ne le sait pas, elle mange n'importe quoi, elle fume n'importe quoi, elle boit n'importe quoi, bien, elle nourrit son fœtus avec son sang. Bon, c'est dommage. Si elle le sait, puis qu'elle peut maintenant contrôler ce qui va y aller dans le sang, mais maintenant, c'est plus dommage. C'est parfait, c'est bénéfique. Dans la réincarnation, c'est un peu la même chose. La problématique, c'est qu'il y a des strates collectives. On commence par collectives, qui touchent la majorité des individus. Les strates collectives sont... Les jeunes ont toujours été pareils. Il y a toujours eu un fossé entre les générations, mais remarquez qu'un jour, vous devenez cette génération qui, avant, ne comprenait pas la jeunesse. Et le pire, c'est qu'on agit de la même façon. Alors, on va dire, par exemple, « As-tu vu comment s'habille aujourd'hui? C'est-tu niaiseux? » Et quand vous étiez jeune, « Ah, m'habillez correct. » Qu'est-ce que disaient les plus âgés? « As-tu vu comment s'habille? C'est-tu niaiseux? » Alors, il y a des nuances au niveau de la forme, mais pas dans le discours, pas dans la vision des choses. Le jeune, quand vous étiez jeune, vous vous adaptiez à des choses neuves. On vous aurait amené, même la mode d'aujourd'hui, vous auriez dit « Wow! » Donc, vous acceptiez du neuf. Aujourd'hui, c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'humains qui ont une évolution de conscientisation qui les amène à un peu plus à être leur maître contrôleur, à être seuls chez eux. Encore collectif, mais mieux. Mais je donne un exemple, on parle du global. Les gens qui se déplacent à une conférence comme ce soir, c'est pas nécessairement les individus les plus collectifs que sur la planète. Donc, ça ne vise pas nécessairement tout le monde, ceux qui sont ici ou ceux qui n'y sont pas et qui écoutent, mais on explique la mécanique de l'humain. Alors, il arrive que on a même, à un moment donné, élaboré en psychologie, l'enfant aura une phase anale. Il aura une phase buccale. Il aura une phase ceci, une phase cela. Donc, on a même stratifié l'évolution psychologique des individus en disant que c'est normal qu'à un moment donné, un enfant découvre son sexe puis joue avec, que la fille vive un complexe parce qu'elle n'a pas de pénis, puis qu'à un moment donné, il y a chez la fille et le garçon le complexe d'Oedipe, et que c'est... Vous rendez-vous compte de ce qu'on disait en psychologie? On disait qu'on est fait à l'os dès le départ parce qu'on a des strates évidentes à vivre. Puis rendu au niveau de la phase d'adolescence, bien un jour, votre fils, votre fille vivra une crise d'adolescence. On peut lire des livres là-dessus. Mais crème, il y a que 9 ans ou elle a juste 8 ans. Je suis en train de lire comment elle va être. Puis je crois que j'ai un libre-arbitre. Voyons, non, il y a comme une destinée quelque part qui me plante quelque chose, il y a quelque chose qui ne va plus. Puis là, ce qui est le pire, c'est que ma fille puis mon garçon, à un moment donné, malgré tout ce que j'ai fait, tombe dans la phase particulière qu'on appelle la crise de l'adolescence. Elle sera peut-être pas aussi pire que tout le monde. Ça dépend de ce qui vient s'incarner chez soi, mais on se fait ramasser. Mon enfant est assujetti, comme je l'ai été, comme je le serai encore probablement, à des mécaniques, à des strates collectives, planétaires, du développement psychologique, spirituel et évolutif des êtres humains. Donc, on est déjà assujetti à se faire ramasser. C'est exactement comme ceci. Il y a quelque part une mémoire, une condition de vie, une atmosphère psychologique, que nous, les adultes, ne pouvons plus respirer, ça rentre plus. Pas parce qu'on veut pas, on la sent même plus. Mais le jeune qui commence à grandir, lui, rendu à 12 ans, 13 ans, 14 ans, il va être parfait pour la respirer, lui. C'est, disons, la crise de l'adolescence. Lui va être parfait pour la respirer. Alors, ce qui va arriver, c'est que quand lui va arriver là, il devient ce que vous avez été, ce que nos parents ont été, ce que tous les enfants ont été à un moment donné. Mais là, on va dire, j'ai été au Pérou, j'étais en Amazonie, j'ai rencontré des jeunes, ils vivent pas des crises d'adolescence comme ça. Ils vivent une perturbation d'adolescents, mais l'affaire qu'il y a, c'est que leur monde de la mort, tout leur système tribal de mémoire, même leur religion tribale, finalement, leur filialité des religions particulières, font en sorte que tous leurs jeunes, au même âge, vivent ce que tous les jeunes de la tribu ont vécu depuis le début des temps. Et ils ne sont pas assujettis à ce que nous vivons, parce qu'ils ne sont pas assujettis à attacher aux mêmes égrégores, donc aux mêmes atmosphères que nous. Mais ils ont encore la même chose. Un jour, le jeune voudra devenir un guerrier. Un jour, la jeune voudra être mariée à celui qui a le plus de femmes. Bon, aux mêmes âges, à peu près, tout ringeux, mais dans les mêmes temps. Alors, à un moment donné, et on a toujours eu ce même genre de mécanique, on a une phase dans notre jeunesse où on veut peut-être tout changer. Puis, à un moment donné, on a une phase dans notre jeunesse moins jeune où on ne peut rien changer. On se résigne. On a compris. On se résigne pas. Maintenant, j'ai compris, je me suis assagi. Pour pas dire qu'on se résigne, on ne pourrait pas le supporter, fait qu'on s'est assagi. Bon. Il y a tout au long de notre vie, et même en tant qu'adulte. Sauf que chez l'enfant, c'est comme si, et c'est pas comme, les strates sont beaucoup plus déterminées et rapprochées. Et plus on va vers l'âge adulte, plus les strates deviennent longues et de moins en moins démarquées. Alors, à un moment donné, on va vivre 40 ans et dans notre société, probablement, une période où l'individu va peut-être changer de strate. À 39 ans, on se regarde dans le miroir et on se dit, tiens, je ne suis pas encore un jeune de 40 ans, mais je suis déjà un vieux de 39 ans. Hein? Tu n'as pas passé encore. Puis, rendu à 40, 41 ans, hop, tu recommences à être jeune. Là, tu viens d'aller chercher un autre phénomène. Ce sont des phénomènes sociaux qui peuvent être développés collectivement. C'est inconsciemment que ça se fait. Mais on doit comprendre que déjà, de prime abord, notre famille se réincarne, et ainsi que la société extérieure, uniquement par des étages. Et quand on vit, on va chercher chacun de ces étages-là, puis on joue le jeu de la tradition. Nos familles, eux, vont faire vivre. Nous faisons, nos parents font, et nous faisons avec nos enfants. C'est inconscient, donc on ne sort pas d'ici en se culpabilisant, en se demandant ce qui est bon. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans les semaines à venir, on va expliquer comment on peut rendre agréable cette mécanique. Bon, moi, mes enfants, j'ai bien souvent, il y a une grande partie d'eux qui venaient s'imprégner chez moi. Tant mieux, je réincarnais de la jeunesse. Les personnes âgées, à un moment donné, quand ils vont toucher au bébé, absolument, là, ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller toucher un bébé qu'ils voient dans un centre d'achat, même s'ils ne le connaissent pas, ont besoin de réincarner des choses. Ils vont chercher de l'énergie, mais ils ont un besoin. Pourquoi? Parce qu'ils sont rendus à un niveau où ce qui se réincarne là meurt. Ils n'en veulent pas, ils veulent contrebalancer. Bien là, c'est évident que l'humain veut s'accrocher un peu, mais on ne comprend pas la mécanique, donc on fait des choses instinctivement. C'est dénaturé par notre éducation, mais qui instinctivement dénote déjà une mécanique, mais ce n'est pas contrôlé. La personne n'est pas un mage ou une mage parce qu'elle ne connaît pas tout le principe même de cette magie. Maintenant, quand on est nous-mêmes adultes, on est parents, il arrive simplement qu'à l'âge de 12 ans, vous êtes similaire à la majorité des jeunes de 12 ans et vous êtes similaire souvent. La fille est ce que sa mère était, le père est ce que le fils était. Et il y a même les grands-parents qui vont à un moment donné trouver physiquement, vous allez leur ressembler, mais dans le comportement aussi. C'est sûr que les quatre enfants ne ressembleront pas tous à leur mère ou à leur père de la même façon. Bon, mais on va découvrir, puis il y en a certains que ça ressemble encore plus, puis on découvre des connotations avec une atmosphère. Mais évidemment, il y a toutes les autres lignées familiales des adolescents de 12 ans avant qui viennent se colorer à l'intérieur. Oui? Est-ce que ce sont les mêmes parties, la mère qui s'incarne, si elle a deux filles, est-ce qu'elle réincarne les mêmes parties dans les deux filles ou une partie dans une partie dans l'autre? Ça dépend de la génétique des filles. Donc, les filles vont réincarner des parties de la mère, des parties de la grand-mère, des deux grand-mères, des parties des quatre arrière-grand-mères, des parties des huit autres. Bon. Et un petit peu des mâles, dépendamment de la génétique. Le garçon fera la même chose. Alors, ça peut être très similaire, puis ça peut aussi être très différent, mais on pourra reconnaître à un moment donné qu'il y a un oncle, une tante, un arrière, etc., qui était similaire. C'est sûr qu'on va dire, ben non, moi, je connais personne de similaire. Moi, dans mes arrière-grands-pères, il n'y en a pas un seul qui aimait jouer avec des jeux vidéo. Ouais. C'est évident, il n'y a pas de jeux vidéo. OK? C'est pourquoi on doit faire attention quand on observe la mécanique. C'est pas une question de se dire, ben oui, mais moi, il est fou de l'électronique, puis personne dans mes parents qui... Et non, l'électronique à l'époque, c'était même pas de l'électronique, on marche encore avec des larmes, des triodes, des pantoufles, des affaires de même. Bon. Donc, on doit comprendre, on doit ajuster en fonction de l'environnement. Et ça veut dire que ce que nous avons été, parce que bien souvent, en tant qu'adulte, on n'a pas digéré notre jeunesse, je dis souvent que un être humain, même quel que soit l'âge, on peut parvenir à cette mécanique-là, c'est qu'on doit être des enfants avec de l'expérience adulte. Donc, on ne doit pas être des enfants sans expérience d'adulte, ce que souvent certains jeunes font à un moment donné en étirant leur adolescence à plus finir. Puis, on ne doit jamais devenir des adultes. Parce que l'adulte ne peut plus jouer comme l'enfant. L'adulte ne peut pas s'abreuver de neuf comme l'enfant. L'adulte ne peut pas être pur, transparent comme l'enfant. L'adulte ne peut pas se malléabiliser vers des choses écologiques aussi facilement que l'enfant. L'adulte a des problématiques. Et là, on va dire, oui, mais c'est normal. Quand on a amené le système métrique ici, tu sais, nous autres, on est habitués avec les pieds et tout ça. Mais c'est. Puis les enfants aussi étaient habitués avec les pieds. Oui, mais les jeunes, ça s'adapte vite. Et il faut faire attention à notre langage. Là, c'est comme si on disait simplement qu'on reniait totalement notre capacité à continuer à être vivant et à être adapté au monde dans lequel on est implanté. C'est comme de dire à un moment donné, ah oui, c'est sûr que les jeunes prennent l'avion, mais dans mon temps, on prenait des diligences. Écoute bien, moi, je prends une diligence. Mais c'est un gros problème. Essaye l'avion une fois ou deux. Puis peut-être que tu sois muté. Tu vas prendre l'avion après. Nos mémoires d'enfants sont encore là. Ça fait que quand tu dis redevenir non, un enfant. Non, fais attention. Nos mémoires expérientielles d'enfants sont là, sauf que l'enfant ne nous habite plus. Autrement dit, c'est exactement comme ce qui nous reste chez nous, si on n'est pas capable de digérer notre enfance. Ce qui reste chez nous, c'est l'histoire de notre jeunesse racontée par l'enfant d'un autre. Tu n'as jamais vécu de jeunesse. Moi, je viens te voir, je suis un enfant, puis je te compte tout ce que j'ai fait. Tu l'as en mémoire, mais ça ne te fera pas vivre. Tu as lu un livre, tu as vu un film sur les enfants. C'est ce qu'on a dedans. Alors moi, quand je suis jeune, telle affaire, par exemple, moi, j'aimais assez ça voir telle chose, mais ça ne fait plus rien chez toi. Tu pourrais aussi bien dire, Daniel aimait ça voir ces affaires-là. C'est qui Daniel? Oh, bon, c'est un petit gars que j'ai connu. On est rendu adulte. Pourquoi? Parce que maintenant, on s'est fait ramasser par un palier particulier de la réincarnation collective et de nos familles, donc de nos parents, qui s'incarnent régulièrement chez nous. On doit comprendre certaines mécaniques. Bon, il y a des choses sur lesquelles on peut parler plus amplement en séminaire. Il y a d'autres conférences que j'ai faites sur lesquelles on peut se référer. Puis, il y a une heure de questions après. Donc, à un moment donné, si vous voulez élaborer plus amplement sur des petites choses sur lesquelles je passe vite, on peut revenir pendant la période de questions. Mais les parents, nos mémoires, ce que nous sommes, nous refusons le changement. C'est une problématique. Si nous refusons le changement, ça veut dire que nous refusons de nous laisser digérer par le neuf. Alors, si on accepterait, on ne vieillirait pas psychologiquement. Le physique, c'est un autre phénomène énergétique qui est codé dans le code génétique, dans le code ADN, qui nous amène à un vieillissement. Ça aussi, c'est transformable. Mais c'est après, c'est plus long. Est-ce que c'est la nouvelle partie qui arrive qui refuse le changement? Ce qui arrive simplement, c'est que vous avez, par exemple, 40 ans. 39.9. Bon. Puis là, vous voulez pas avoir 40 ans. 40 ans, là, tic, tic, tic, tic. 50 ans, c'est même la moitié de 100 ans. Puis tu te dis, bon, à 25 ans, il y en a qui disent, crime, j'ai un quart de siècle. Tabarnouche. D'une façon comme un autre de se faire peur. Et finalement, 25 ans ou un quart de siècle, c'est mieux 25 ans qu'un quart de siècle. Bon, mais c'est la même chose. Alors, l'individu, par exemple, on prend l'exemple de 40 ans, qui refuse d'avoir 40 ans, il naît sur 45, il naît sur 50, bon, ça dépend de comment les familles ont vécu. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que quand les familles mouraient à 60 ans, bien, ils refusaient pas d'avoir 60 ans, mais ils refusaient peut-être d'avoir 30 ans. Puis là, on étire dans le temps. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que nous, le 30 ans de mes parents, et peut-être le 35 ans ou le 40 ans que moi, je vais exprimer, mais je vis la même phase. Alors, on doit comprendre qu'à un moment donné, disons, je ne veux pas avoir 40 ans, je ne veux pas, j'en souffre, ça me dérange, on fête ma fête, et que là, je commence à trouver ça niaiseux les fêtes, ça fait 2-3 ans, je commence à trouver ça quétaine, là, je m'approchais du 40 ans, mais là, à 40 ans, franchement. Et là, ils ont été polis, ils ont mis 4 chandelles, c'est moi et pire, ils m'ont pas mis tout plein, assez, tu vois même plus le gâteau. Mais, j'aime plus nécessairement ça. Un exemple que je donne. Il arrive quoi? Il arrive que ce que je suis à 40 ans s'ancre. Ça ne passera pas à 41 ans. Ça ne veut pas. Ça fait un fantôme à l'intérieur de moi. Ça fait un fantôme dans ma famille. Un fantôme, c'est une entité qui, lorsque le corps physique est mort, ne gagne pas le monde de la mort parce qu'il veut rester là où il était. Alors, lorsqu'une personne, par exemple, meurt en ne voulant pas perdre sa matière, sa maison, on en a vu beaucoup en Écosse à un moment donné, puis on sait que l'avarice était légendairement écossaise. Il était 45 dans un taxi. Tu sais, un taxi, il y a un accident, un taxi qui a frappé un camion, 75 morts. C'était où en Écosse? Tout le monde se marie en Écosse, on savait, bon. Alors, en Écosse, on parle souvent on a parlé longtemps des châteaux hantés. À la longue, ce qui reste du sou, il s'en va. Donc, il n'y a plus de fantômes après 100 ans, 50 ans, 200 ans. Mais ce qui arrivait, c'est que une grande partie de la mémoire de l'individu n'avait pas voulu quitter sa matière, alors elle restait plantée là. Elle restait pour se nourrir de la matière, donc elle hantait. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à 40 ans, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, mais ça continue à avancer. Alors, il y a une partie de moi qui va rester plantée à 40 ans ou à 39 ans, et ça n'évoluera plus. La personne qui n'a pas accepté de traverser, elle peut commencer à vivre une problématique, une partie d'elle qui manque. Mais si tu fais ça à 40, 41, 42, puis jusqu'à 60 ans, il va y avoir pas mal de monde dans ta chambre à coucher. Oui. Ben, il y en a plein aussi. Il y a 30 millions chez toi. Bon, mais personnalité réincarnationnelle. Non, mais ce que je veux dire, c'est... On n'attiendra pas les... Ça va être de plus en plus problématique, ou si oui, c'est toujours le même qui se renforce. Non, oui et non. Pourquoi? Parce qu'il y a le reste de la famille. Charles. Alors, à 39 ans, rien. Puis là, à un moment donné, ben, mon jeune frère est rendu à 37 ans. Moi, j'ai 43. Il arrive à 38. Moi, j'augmente de l'année aussi. Je suis quand même poli. Bon. Il arrive à 39. J'augmente encore. Il arrive à 40. Il ramasse quoi? Il peut ramasser ce que moi, j'étais à 40 ans, parce que ce qui est resté chez moi veut vivre à 40 ans. Mais il peut me ramasser à 37 ans. Il va commencer à ressembler à ce que j'étais. Il peut commencer, rendu à 39, à avoir peur de passer la barrière des 40 ans. Mais ça peut être aussi mes enfants, qui, eux, rendus à la barrière, une barrière psychologique, c'est peut-être qu'elle sera incrémentée à 45 ans, maintenant, si on vit à 80, c'est bon. Mais là, eux, progressivement, vont commencer à me ramasser, moi. Ils vont commencer à vivre les mêmes symptômes, les mêmes choses, d'une façon légèrement adaptée à eux, c'est évident, mais vivront des choses similaires. Je donne un exemple. Et toutes nos strates de vie, les problèmes qu'on aura à un moment donné. Vous apprenez à conduire, c'est une vraie farce. Mais peut-être que votre grand-père, lui, ou votre grand-mère, lorsqu'elle a embarqué sur un cheval ou sur une voiture, elle a aimé ça. Peut-être c'est ça qu'un enfant réincarne. Mais dans les familles, on a beaucoup de personnes qui vont vivre les mêmes symptômes dans les mêmes genres de situations. On a toujours une exception, mais regardez, réincarne peut-être moi un oncle ou un arrière-oncle, etc. Alors, la problématique, donc, c'est que tout au fond, tout au long de notre vie, mais si on me dit, est-ce que votre famille se réincarne chez vous, tout au long de la vie des autres, il se passe quoi? Un petit moyen rapide quand même, c'est que quand on regarde aller les personnes un peu plus âgées que nous, c'est surtout eux qui vont, à un moment donné, cristalliser des mécaniques, qui vont avoir tendance à chercher dans la famille, dans une génétique similaire, un corps dans un âge intéressant pour pouvoir aller s'incarner là-dedans. Alors, vous n'avez jamais eu de problème à la conduite automobile. Aucun problème. Mais vous avez une sœur. Ah! Ben, elle a 10 ans plus vieille que vous. Mais elle est rendue qu'elle prend plus le métropolitain, elle prend plus d'autoroutes, trop d'accidents là-dessus. Et elle prend les petits chemins de campagne, elle vient pas souvent en ville parce que là, c'est compliqué par les petites routes. Pis c'est long, puis quand elle monte, pis quand il faut qu'elle prenne le métropolitain, elle dit c'est dangereux. C'est sûr, elle se promène d'une voie à l'autre de même, c'est pas hâte de sortir. Bon. Puis là, vous comprenez pas. C'est pauvre, elle. Puis 6 ans plus tard, vous commencez à être inquiet. Puis 7 ans plus tard, vous commencez à être de plus en plus inquiet quand vous conduisez. Il se passe quoi? En train de la ramasser. Elle est peut-être décédée. Elle est peut-être encore vivante. Peut-être qu'elle conduit plus. J'espère qu'elle s'est pas faite frapper sur le métropolitain. Moi, j'espère surtout qu'elle est plus là. Mais si tu sens que ça t'arrive... C'est quand même tout croche. Si tu sens que ça t'arrive, des choses comme ça... Voilà, le petit moyen, c'est que quand on commence à percevoir, il faut être vivant. Vivant veut dire être conscient de ce qui nous arrive, ce qui se passe chez soi. Parce que sinon, on s'en rend compte quand on n'est plus capable de s'en débarrasser. On devient possédé. Ça vient de s'incarner. Et ça nous a digéré, donc ça nous a transformé comme ça. Si nous, on digère ça, on prend l'expérience. On prend l'énergie qui maintenait la forme, puis on s'en sert. On devient plus prudent, mais on ne devient pas plus inquiet. Alors là, progressivement, on commence à se rendre compte que, puis que, problématique. Souvent, on va dire, parce qu'il y a des tendances, par exemple, bon, vous avez un enfant qui dit, « Ah, moi, jamais je fumerai. » Les parents fument, ou des grands frères et grandes sœurs fument, mais il y en a d'autres dans la famille qui fument. Jamais, puis elle trouve ça débile, l'enfant. Puis rendu à un certain âge, à peu près l'âge, les autres commencent à fumer, elle commence à fumer aussi. Puis quand elle dit, « Ouais, mais tu trouves ça débile? » Elle va répondre comme les autres répondaient aussi. « Oui, bon, fini. » Il y a, ça, c'est pourquoi? Parce que les parties qui sont là attendent. On est attendu aux minutes près. Est-ce que l'influence dans notre vie actuelle de ces imprégnations-là de lignée familiale est plus importante que les réincarnations d'un paquet des 30 autres millions ou de ce qui n'est pas nécessairement juste de lignée familiale? On peut réincarner d'autres choses qui ne seraient pas une lignée familiale? C'est-à-dire qu'on réincarne, premièrement, une partie de palier social. On réincarne des paliers qui sont planétaires, mais on est beaucoup plus influençable par les paliers des gens qu'on côtoie. Quand je dis familial, ça peut être aussi vos collègues de travail, ça peut être des personnes avec qui on travaille, avec qui on vit. Parce que la famille, ça s'étend. C'est sûr qu'au niveau des lignées génétiques biologiques, la famille biologique, il y a déjà une plus grande influence, une plus grande démarcation. Une personne, par exemple, qui se réveille au beau milieu de la nuit en disant « Crime, mon frère vient de mourir », comment ça fait qu'elle le sait? C'est qu'une grande partie de son frère vient de s'incarner chez elle. Elle nécessairement, elle, donc, inconsciemment, elle ne connaît pas la mécanique, mais c'est clair. Alors, au niveau de la famille qui nous entoure, c'est plus évident. Et nous, on a la même influence chez les autres. C'est plus évident. Après ça, ça sera au niveau du milieu de travail, mais dépendamment aussi, effectivement, ou comment on est relié au milieu de travail. Parce que bien souvent, on s'entend très bien avec des individus qui ont des caractéristiques génétiques similaires aux nôtres. On pense de la même façon, on a les mêmes goûts, on a donc une même psychologie quand même qui a une forme de sympathie. Alors, donc la famille, notre entourage, puis nécessairement la société, puis nécessairement finalement le contexte planétaire au complet. Faites attention à qui s'incarne chez vous pendant la pause. Dans 15 minutes, la période de questions. À bientôt.